This is Rock and Roll Radio. Come on. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. King of Zoo pour descendre avec vous le fleuve rock and roll. Mais ce soir, je suis pas tout seul dans la barque puisque Chris m'accompagne à la technique et il assure également l'illustration musicale de cette émission. Mais aussi et parce que ce soir, on reçoit avec plaisir sur Radio Dio Jean Felzine, chanteur, guitariste, clavier, et si on peut dire surtout parolier du groupe Clermontois Mustang. Bonsoir Jean. Bonsoir. Alors Jean, t'es venu en voisin pour assurer au fil un atelier d'écriture. Tu peux nous en expliquer un peu la motivation, nous expliquer comment ça marche, etc. Alors, j'aime pas trop parler d'atelier d'écriture parce que je me considère pas vraiment comme un parolier ni comme, mais vraiment songwriter, c'est-à-dire musique et texte en même temps au maximum. Pour moi, la chanson, c'est ça, c'est 50-50 texte et musique. Et en fait, pendant le Covid, j'ai commencé à, j'étais dans la merde, un peu comme beaucoup de gens. Donc, j'ai commencé à accepter des jobs que j'aurais pas accepté avant. Et en particulier celui de donner des cours de songwriting dans une école de musique. Et finalement, ça m'a bien plu parce que ça m'a permis de formaliser des trucs, des procédés, des mécaniques que j'utilisais pour mes chansons et puis d'essayer de non pas les inculquer, mais enfin de les faire connaître à d'autres gens, à de plus jeunes aspirants chansonniers et chansonnières. Et là, il se trouve que c'est un peu par hasard Yves Guirmont-Presse du Phil, qui s'occupe de ces accompagnements d'artistes, m'a appelé, me dit « Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ?» J'ai dit « Ouais, ça vous dirait de venir écouter un petit peu ce que font des artistes dont on s'occupe et peut-être de les aider à avoir des pistes pour améliorer leur texte en français, puisque moi, je n'écris qu'en français. » Et donc, j'ai dit « Oui. » Et me voilà. Très bien. Et du coup, avec le recul sur visiblement cette première expérience d'accompagnement, c'est satisfaisant, ça te donne envie, c'est. Ah oui, c'est toujours intéressant déjà parce que là j'ai vu trois ou quatre parties de groupe, en tout cas certains membres qui sont venus, donc j'ai vu trois ou quatre groupes. Et c'est des profils assez différents. Certains écrivent déjà en français, c'est assez avancé. D'autres viennent de l'anglais et ont envie de passer au français. D'autres balbutient un peu avec le français, donc c'est assez intéressant, ouais. Et puis encore une fois, moi ça me permet d'apprendre des trucs, parce qu'en les 10 ans, moi j'ai commencé à écrire des chansons sans me poser beaucoup de questions. Je raconte souvent l'histoire, mais moi c'est un livret d'un disque des Ramones, de Rocket to Russia des Ramones, qui m'a donné envie d'écrire des paroles, parce que je voyais que ça avait pas l'air quand même hyper compliqué, alors qu'elles sont très bien les paroles des Ramones, mais je me disais ah ouais, ça je peux le faire, bon voilà, et puis il fallait bien des mots à mettre sur les riffs de guitare qu'on trouvait quand on avait 17 ans quoi, mais je me posais pas de grandes questions, mais bon au fil du temps, à force de faire des chansons, en fait on utilise tout un tas de mécaniques, et en fait cette mécanique là on peut mettre des mots dessus quand même, et c'est pas la dévaluer que de mettre des mots dessus, bien qu'en réalité je pense qu'on peut pas réellement apprendre à quelqu'un à faire des chansons. C'est pas une. Il y a des procédés, mais il y a pas une grande méthode. C'est pas de l'architecture, c'est pas. Donc en réalité, on voit assez vite les profils de gens qui pigent à peu près comment ça fonctionne, et ceux pour qui c'est un peu plus difficile qu'on peut aider. Mais non, moi j'apprends beaucoup de trucs moi-même en fait en discutant avec des groupes comme ça. Ou des artistes qui me montrent leurs chansons. Donc Mustang, pour replacer un peu les choses, c'est groupe de rock formé en 2006 à Clermont. Je parle sous ton contrôle, Jean. N'hésite pas à taper. Contrôle positif. N'hésite pas à taper dans le micro s'il y a une erreur. Et Mustang, c'est un groupe de potes de lycée. Alors, des kids qui se rencontrent au lycée et qui décident de faire un groupe qui plus est en forme de power trio, guitare, basse, batterie. On est dans l'ADN du rock'n'roll. C'est des potes de lycée qui font un power trio. Oui, alors la seule chose, c'est qu'on n'a pas été un trio tout de suite. En fait, on a eu plusieurs guitaristes, dont un, malheureusement, qui est disparu en 2024. Mais on a essayé plusieurs guitaristes. Moi, je me destinais pas à être le guitariste lead, quoi. J'étais chanteur, quoi. Mais bon, aucun était assez assidu. Il fallait quand même, au début d'un groupe, il faut quand même se discipliner un peu, quoi, en termes de répète et tout. Donc, on a fini en trio, mais c'était plus par dépit qu'autre chose. D'accord. En tout cas, c'est souvent rappelé comme l'ADN du rock and roll, le power trio. Oui, à cause d'Elvis, quoi. Oui. Grâce. C'est une affaire de kids. Et puis, de ce qu'on retrouve quand on pioche un peu l'histoire de Mustang, c'est découvert dans un festival hommage au Velvet, fan de Lou Reed. Est-ce que le Velvet, Lou Reed, c'est votre fil rouge, c'est ton fil rouge en fait? Non, c'est pas un fil rouge, mais ça a été un pivot pour nous parce que nous, on s'est formé au lycée sans être vraiment musicien autour de Nirvana. On aimait bien Nirvana. Ça avait l'avantage. C'est un de ces groupes, Nirvana, et je pense que c'est un des secrets de leur succès, c'est que c'est facile à reprendre quand on vient de lancer un groupe. C'est assez facile de faire des reprises de Nirvana. Et donc, on s'intéressait, on va dire, au sens large, à cette frange du rock. Non, on peut dire frange, finalement. Punk, proto-punk, donc Nirvana, les Ramones, puis les Stooges, le Velvet Underground, cette vague-là. Et le Velvet, ça a été un point de bascule pour nous parce que là, d'un coup, on pouvait aussi apprendre à faire des jolies chansons, des chansons plus délicates, comme qui est une bonne moitié du répertoire du Velvet aussi, quoi. Et puis surtout, ça nous a mis un pied dans le rock des années 50, qui a été pour le coup un électrochoc stylistique, si vous voulez. Parce qu'à partir du moment où on a découvert ça, on s'est dit, ouais, là-dedans, il faut creuser. Personne creuse là-dedans autour de nous. Parce qu'on avait envie d'être originaux aussi, hein, comme tous les gamins. Et on trouvait que c'était fertile esthétiquement, qu'il y avait un truc à en tirer. Donc moi, je continue de... J'écoute plus beaucoup le Velvet Underground, pour être honnête, mais Lou Reed, je l'écoute de temps en temps, c'est toujours un artiste important, ouais, pour moi. On va l'écouter ensemble. Chris va nous en parler. Nous allons écouter I'm So Free de Lou Reed. Donc on revient à l'interview que nous a gentiment accordé Jean Felzine. Du coup, Jean, être un groupe de rock français, c'est déjà pas très confort puisque notre pays a pas vraiment brillé. Et être un groupe français qui chante en français, là on atteint presque des sommets. Et du coup, ce choix de chanter en français, parce que j'imagine que c'est la question numéro un dans le... Oui, j'y ai répondu souvent dans ma vie, mais ça me gêne pas. J'en ai parlé d'ailleurs avec des artistes que j'ai rencontrés cet après-midi, ce matin. La question s'est jamais posée pour moi. Les Ramones chantaient en anglais pour des anglophones. Nous, on allait chanter en français pour des francophones. L'idée était, en tout cas à nos débuts, ensuite on a mûri, pour pas dire un peu flétri, mais l'idée était de faire une musique immédiate, qui était sans filtre, et qui était comprise immédiatement, et j'insiste, qui était comprise immédiatement sur scène, dans le public, qui est une force. Je comprends pas les groupes qui chantent en anglais, qui se coupent de cet impact-là, qui est énorme. Donc, ça a toujours été une évidence. Moi, j'ai jamais écrit une chanson en anglais de ma vie. Et c'était pas venu l'idée ? Non. Oui, mais je comprends. Ça se comprend parfaitement, oui. Non, puisqu'en plus, moi, les premières chansons que j'ai écrites, je veux dire, j'ai pas été mal armé tout de suite. Hein. C'était des traductions des Ramones ou des Stooges ou des et pas très à droite pour certaines. Non, vraiment, on s'est jamais posé la question. Je reviens sur un épisode sûrement marquant, mais tu vas peut-être me dire le contraire. 2017, première partie de Blondie à l'Olympia, ça claque un peu. Oui. Et derrière, cette date au Royaume-Uni avec Blondie. Oui, Blondie oui. Est un groupe, rappelons-le. Blondie est un groupe. Ah oui, c'est vrai que les Français disent toujours, en parlant de la chanteuse, « Hey, Blondie !» Mais c'est vrai que leur nom vient de ça. Bon. Ouais, ça c'était marrant. Ouais. Est-ce que c'était le souvenir majeur de... Oui, c'est un des souvenirs majeurs, c'est sûr. Bah, d'ailleurs, on avait eu un article dans un magazine, un webzine anglais qui avait dit « C'est peut-être le highlight de leur carrière. » Je pense qu'au fond, ils avaient raison. Mais c'était génial. Mais c'était des salles, mais énormes, des trucs, des 20, 25 000 places parfois, des trucs bref. Ouais, ça c'était génial. Bon, il y a eu quelques trucs bien qu'on a fait. Hein. On est allé au Japon deux fois, on a fait deux tournées au Japon quand même. On est allé en Russie à une époque où c'était envisageable. Oui. Je me dis que c'est fou, hein, parce que je retournerai peut-être jamais en Russie, quoi. Oui. On a eu beaucoup de malchance et on a eu beaucoup de chance aussi sur des trucs. C'est... En tout cas là, sur le parcours du groupe, c'est vrai que c'est quelque chose de remarquable et de remarqué. Et puis ça fait toujours plaisir d'affronter des immenses salles comme tu ouais, te rappelais. Ouais, bien sûr. Puis bon, c'est une petite aventure qui a duré ce qu'elle a duré. Mais qui est cool quand même. Et puis on a semé quand même, je trouve, aucun disque du groupe impeccable de bout en bout, mais je trouve qu'on a semé quelques bonnes chansons et peut-être même une ou deux grandes chansons possiblement, donc ça va en 5 disques, c'est pas si mal. On parle de Mustang, mais la meilleure façon d'en parler, c'est quand même de l'écouter. Donc, on va faire une pause musicale. Et nous allons écouter le premier morceau de Mustang, Pas cher de la nuit. Insomnie, mais je donne pas cher de la nuit. Non, non, non, je donne pas cher de la nuit. Je te vois morte, étendue sous la pluie. Tes boyaux sortent et là je pousse un cri. Je pleure encore dans un coin de mon lit. Je donne pas cher de la nuit. Non, non, non, je donne pas cher de la nuit. Non, je donne pas cher de la nuit. Je donne pas cher de la nuit. Retour avec Jean Felzine. Récemment, j'ai fait une émission sur une critique, une chronique des deux albums concept de Serge Gainsbourg, Mélodie Nelson et L'homme à la tête de chou. Donc globalement, le premier, l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une Lolita, et le deuxième, c'est un féminicide à coup d'extincteur, quoi. Et est venue cette question, c'est qu'aujourd'hui, ces albums rentreraient dans le politiquement incorrect et ne pourraient pas survivre. Aujourd'hui, on est dans une période dans ce qu'on... Avec un groupe, on parle aux gens, à la radio aussi. Et il y a un politiquement correct qui est très présent. Je comprends qu'il faille pas dire tout et n'importe quoi. Mais est-ce que tu sens, toi, dans ton écriture, le poids de ce politiquement correct? Et est-ce que ça t'emmène vers une censure quelque part de tes textes? Ah non. Moi, à titre personnel, jamais. J'ai toujours écrit tout ce que je voulais. Après, évidemment, les interlocuteurs peuvent être, ou les gens avec qui je travaille, qui sortent les disques que je fais ou quoi, peuvent avoir des réticences. Mais enfin, finalement, moins que ce qu'on pourrait croire. Je pense qu'il y a plus d'autocensure que de censure réelle. Et c'est presque plus grave, d'ailleurs. Mais moi, je me suis jamais rien interdit. Vous le verrez assez vite. Mais... Non, pas tellement. Et puis, parce qu'on parle d'un politiquement correct de gauche qui existe, qui est une réalité, hein, mais il y a un politiquement correct de droite aussi qui existe. Et qui a, c'est-à-dire, les deux ont pignon sur rue quand même. Et moi, je n'ai de sympathie ni pour l'un ni pour l'autre. Des lieux communs et des éléments de langage, j'en entends des deux bords. Et moi, j'essaie de tracer ma route loin de tout ça. Mais non, j'ai pas de... Alors, il est arrivé qu'on me dise... Je me souviens, parce qu'on a fait avec Mustang un passage en major, quand même. C'est vrai, on a sorti un album réellement chez Sony, c'est ça ? Voilà, chez Sony Arista. Ouais. Et c'était pour la chanson Le sens des affaires, je crois, parce qu'il y avait... cancer du poumon dedans, ça disait ça à un moment, et le mec du label disait, mais ouais, on dirait que tu sabotes tes chansons, tout ça. Bon, bah, résultat, c'est quand même un des morceaux de Mustang qui a le mieux marché. Quand j'ai fait Pôle emploi, gueule de bois, qui commençait vraiment, c'était je vais péter sur mon sofa, machin, on n'a pas baisé depuis des mois, là, beaucoup de gens autour de moi m'ont dit, non, mais ça, tu peux pas, enfin, tu vois, ils trouvaient ça répugnant, ce que je peux entendre. Hein. Résultat, c'est France Inter qui l'a passé. Et ça m'a fait un peu de blé quand même. Donc, après, bon, je tiens pas à ce que ça devienne une marque de fabrique, mais pour moi, moi j'aime bien tous les mots, mais j'aime bien aussi tous les registres de langage, quoi. Je peux aimer une chanson qui est écrite dans un langage très très doux, très soutenu, très éthéré. Enfin, tout ça, c'est des couleurs qu'on peut donner à une chanson. Je sais pas comment dire. C'est comme en cuisine, on peut aimer l'acidité, le piment, et puis aimer les goûts très ronds, très très caressants. Moi, j'aime bien les deux. Après, je suis peut-être plus doué pour l'un que pour l'autre. C'est possible. Comme un type serait plus doué pour faire des nouilles sautées au piment que pour faire une blanquette de veau. Mais non, j'ai pas tellement l'impression de j'ai quand même toujours réussi, souvent réussi à avoir des chansons qui passaient à la radio. Alors pas les énormes, mais donc j'ai pas l'impression de subir ça. En tout cas, moi je me suis jamais interdit de rien dire. C'est une espèce de ligne de conduite, et ni sur les uns ni sur les autres, parce que c'est là aussi on peut s'enfermer dans un truc. Voilà. C'est vrai que vous n'étiez pas marqué, étiqueté politiquement. Bah si, un petit peu. Alors si, un petit peu au début, avec une chanson qui a été mal écoutée, qui s'appelait Le Pantalon, qui était une chanson politique, parce que des chansons politiques, j'en ai fait beaucoup, mais qui était une chanson, je pense, qui était quand même, qui avait un peu de flair sur l'époque. Sur laquelle on, enfin, l'époque qui allait venir en réalité. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup catalogué dans une droite à laquelle j'appartiens pas, comme j'appartiens pas non plus à la gauche culturelle, on va dire. Voilà. Après, c'est bon. C'est pas ce soir qu'on va trancher la question ce que doit faire le rock'n'roll. Mais c'est vrai que, à titre personnel, je considère pas que. Enfin, le rock, c'est plutôt une sociologie que porter un étendard. Le punk, au départ, c'est quand même qu'une grosse blague. C'est pas quelque chose de très politique en termes de. Oui, mais il y avait quand même un... Enfin, à partir du moment où il y a une déclaration esthétique qui est forte, comme l'était le punk, elle est forcément politique. Je trouve qu'il y a plein de chansons du punk des débuts qui sont beaucoup plus intéressantes politiquement que ce qu'on essaie de vendre aujourd'hui comme de la chanson politique. On est bien d'accord. Non, moi, la politique est un gros... Enfin, je pense que c'est un des sujets qui m'intéresse le plus. Mais dans le vrai sens du mot, quoi, pour faire des chansons. Mais je n'ai jamais été militant. Je ne serai jamais. Je vais passer le relais à Chris, qui va nous éclairer un peu plus sur les textes de Mustang avec sa chronique à ce propos. C'est parti pour toi, Chris. Bonsoir, Jean Felzine. Bonsoir. Donc du coup, j'ai préparé une petite chronique sur Mustang. J'avoue humblement, je ne connaissais pas Mustang avant votre venue au fil pour l'atelier écriture d'aujourd'hui. Du coup, puisqu'il sait tout sur tout et que je l'amène partout, je suis allé sur Wikipédia afin de découvrir votre discographie. Deux albums en particulier ont attiré mon attention. Ils serviront d'ailleurs de playlist ce soir dans cette émission. Évidemment, Mega Phoenix, votre dernier album, sorti le 11 octobre 2024 chez Vietnam, et votre quatrième album studio, l'avant-dernier, Memento Mori, sorti 3 ans auparavant. Et là, en écoutant Pas cher de la nuit, justement, j'ai pris cher. Énorme coup de cœur, je l'ai écouté en boucle jusqu'à l'aube. Un texte magnifique, où le français claque tout aussi bien que l'anglais, voire mieux, avec la poésie en plus. Je veux dormir une fois dans ma vie, sans réfléchir comment pisse, comment chie, j'aimerais mourir au moins jusqu'à midi, mais je ne donne pas cher de la nuit. Dans mon cerveau, des choix infinis, mais tout s'équivaut et provoque l'insomnie, tout part à l'aube dans les verres de whisky, je ne donne pas cher de la nuit. Un texte que n'importe quel musicien aurait rêvé d'écrire, d'avoir eu cette inspiration, cette force. Puis, au fil des morceaux, des écoutes, j'ai compris pourquoi je ne vous avais pas découvert plus tôt. À l'instar d'un Gérard Manset, le cul coincé entre la variété française pour les uns et la musique spé pour les autres, forcément, on vous a fermé la porte au nez. D'autant plus que vous n'avez pas vraiment votre langue dans votre poche et que vous êtes encore moins le fils de machin. Malgré cela, tout en gardant vos morceaux les plus méchants pour Mustang, vous écrivez également pour les autres. Enfin, ceux qui ont le courage de vous chanter et qui ne prétextent pas un son de caisse claire, qu'ils n'aiment pas. Vous voyez, bien évidemment, je pense de qui je veux parler, non ? Alors, c'est sûr, avec une telle attitude, dans ce milieu où l'ascenseur social est en panne et ne profite qu'aux résidents du dernier étage, ben vous n'aurez ni l'argent du beurre, et encore moins le cul de la crémière. Mais si quelquefois vous ne vous sentez plus aimé, je vous assure, vous existez bel et bien dans le paysage musical, et votre place est plus que légitime. Et dites-vous qu'à quelques kilomètres de Clermont, il y a une poignée de gens qui n'iraient pas voir le match PSG-OM, mais iraient bien vous voir en concert. Tout d'abord parce qu'ici, finalement, on n'aime que la SSE, et que surtout, on aime bien Mustang et son style post-Hillbilly Core revisité avec une touche asiatique. J'avais oublié ça. Eh ben merci. Merci, c'est très... Avec plaisir. Ça me touche beaucoup. Même si j'ai d'énormes réserves sur le texte de Pas cher de la nuit, je trouve un petit peu dramatique, mais bon, il fonctionne sur la musique. Mais merci beaucoup, ça me touche beaucoup parce que j'ai l'impression que on n'a pas jamais eu un énorme succès populaire, mais on a gagné on a semé des petites graines et des amours fidèles quand même. Et ça, c'est pas rien quand même. Je suis assez fier de ça. On va écouter à nouveau Mustang. Donc cette fois-ci, je vais essayer de bien lancer les morceaux. Et nous allons écouter justement Fils de Machin. Alors Jean, manifestement, t'es fan d'écriture, visiblement très attaché aux mots. Et... Alors oui et non, c'est-à-dire je suis pas un écrivain compulsif, comment je sais pas, je pourrais pas dire ça. Je suis pas un fan d'écriture. J'aime bien écrire des chansons, mais j'avais pas de carnet de poèmes quand j'étais ado. Je suis pas un grand lecteur de littérature, donc c'est ce que j'aime, c'est faire des chansons vraiment. J'insiste parce que peut-être parce que je suis pas assez bon mélodiste, mais on remarque peut-être davantage ce que je fais avec les textes. Mais moi, c'est vraiment, je suis chansonnier, si vous voulez. Je me vois pas comme un auteur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, c'était ma question, c'était de dire, est-ce que tu penses poser la guitare pour glisser vers l'écriture, je sais pas, de nouvelles, de romans? Oh non, jamais. Voilà, non, voilà, tu t'es pas dit. Pour moi, c'est un autre boulot. C'est totalement un autre boulot. Mais c'est pas un boulot dont t'as envie, quoi. Non. Le problème, c'est que dans ce pays, qui est quand même d'une fatuité abyssale, la France, il y a un dernier stade de respectabilité qu'on atteint seulement si on écrit et si on est vu comme un auteur. Bon, moi, je m'en fous. Et encore dans la blanche, hein, pas dans la noire. Oui. Non, moi j'aime la chanson, c'est vraiment ça mon truc. C'est à ça que je fais bien. Je me vois pas. J'en sais rien. Si je suis vieux et que j'ai eu une longue vie palpitante, peut-être je ferai des mémoires pour les gens que ça intéresse. Je les dicterai à un sténo en robe de chambre. J'en sais rien. Et t'étais le seul parolier du groupe de Mustang. Oui, ça quand même. Et ça, on a vite compris qu'il valait mieux que ce soit moi. Ouais. Et c'est un vrai plaisir pour toi, j'imagine, d'écrire des chansons. Oui, mais ça l'est devenu, parce qu'initialement, c'était vraiment pour avoir quelque chose à chanter. Moi, je suis aussi venu à la chanson parce que j'aime chanter, quoi. Vraiment, c'est un de mes plus grands plaisirs dans la vie. J'aime chanter, jouer de la guitare. Plus plaisir physique de faire ça. Et bah fallait bien avoir quelque chose à chanter, mais j'avais pas d'ambition littéraire, moi, du tout. Et cette ambition n'est pas née, et c'est pas ton futur, en fait, c'est ce que tu nous dis. Non, enfin j'espère pas, parce que ce serait chiant quand même. J'espère faire des chansons qui soient de mieux en mieux, et je pense que je m'améliore quand même dans cette discipline là donc je pense que j'ai encore plein de chansons à écrire et des trucs que j'ai envie d'essayer de faire, d'essayer de réussir dans des chansons que j'ai pas encore réussi à faire. Moi je suis très... je vais essayer de faire mieux ce que je fais déjà. J'ai pas envie d'écrire un mauvais livre, un de plus, parce qu'il suffit d'aller dans une librairie pour voir, il y a que des mauvais livres. Enfin, l'immense majorité des livres qui sortent sont mauvais. C'est des conneries de développement personnel ou des essais... c'est des conneries. Ou des mauvais romans, ou des... Non, je peux avoir un plaisir fou à lire un très grand livre. Je serais incapable d'écrire un roman, par exemple. Incapable. Voilà, j'avais pensé à ça parce que le voisin du rock'n'roll, c'est le roman noir, et que ça pouvait être une... Est-ce que ça a été une de tes influences? Est-ce que ça a été une de tes lectures? Non, sur ma façon d'écrire, mes influences, c'est les chansons, c'est très très peu d'autres formes écrites, vraiment très peu. Cinéma beaucoup, par contre, ça je suis je regarde vraiment énormément de films. Donc ça, parfois, ouais, une réplique, un truc, ça, c'est des trucs que je peux mettre dans des chansons, mais très peu la littérature. Et puis, comment vous dire, c'était initialement un espèce de statement de esthétique. Je trouve que c'est important d'avoir quand on est un jeune créateur, quoi, dans n'importe quoi. C'est bien de dire ça, je déteste, ça, je fais pas. Ça c'est pour les autres, ça c'est bon pour... Après, avec l'âge, on se rend compte qu'on a eu tort sur certains trucs, mais ça permet de donner de la dynamique et d'emmener votre travail dans une direction particulière. Et donc moi, dès le début, c'était par rejet de Noir Désir, du rock français littéraire, de dire non, ça, le littéraire, c'est bon pour les... pour les hypocagneux. Alors qu'en fait, je pense que les plus belles chansons de Trenet, par exemple, valent certaines poésies. Mais bon, moi, je ne veux pas être Rimbaud. Je veux être... un chansonnier, quoi. Vraiment, ça... Tout à l'heure, en préparant l'émission, en discutant de l'émission avec Chris, on évoquait Alain Bachung et Christophe. Longtemps, Christophe a été complètement méprisé. Il a fallu qu'il décède et que beaucoup de gens déterrent son œuvre. C'est arrivé un petit peu avant, quand même. Un petit peu avant. Je me souviens, dès les années 90. Et puis même la période avec... avec Jean-Michel Jarre, les années 70, l'avait déjà lancé un nouveau personnage de lui qui... Donc quand même, je dirais pas qu'on l'a redécouvert après sa mort, Christophe. Oui, il est quand même considéré comme étant un chanteur de variété. Ouais. De variété. Et ça, c'est un vieux sujet aussi. Et c'est un vieux sujet. Il y a dont parlait votre Chris dans sa chronique. C'est-à-dire que... J'en ai parlé d'ailleurs avec certains des... Je vous interromps. Hein. Oui, il n'y a aucun problème. Vous m'avez dit à bâton rompu, donc je vous prends au mot. Mais pour moi, c'est une fausse question, chanson française, rock. Si on chante en français, c'est d'une certaine manière de la chanson française, fatalement. Et là, j'ai eu l'exemple d'un musicien qui chante du rock en anglais et qui a envie d'essayer en français. Et comme souvent, il a peur que ça sonne chanson française. Je dis, mais c'est pas grave. Et on parlait de Pulp, par exemple. Il aime bien Pulp. Je lui dis, mais Common People, c'est une pop song, mais c'est aussi une chanson avec un ton, une histoire. Il y a un sens du storytelling dedans. Mets-toi à la place d'un vrai anglophone qui plus est un habitant de Sheffield qui entend le même accent que chez lui, tout ça. Est-ce que finalement lui, ça lui fait une différence entre quand il écoute ça ou qu'il écoute ou que quand nous on écoute Daniel Guichard? J'en sais rien, c'est pas sûr en fait. Enfin, en tout cas, moins on se pose la question, plus on fait des chansons, je pense. Mais ce truc variété, il y a aussi que les rockers français. Comme le rock est une musique qui est quand même toujours restée assez marginale dans ce pays, les rockers français sont très... Le mot anglais, ce serait insecure. Ils sont un petit peu mal dans leur pompe. Et du coup, ils ont peur d'être trop ci ou trop ça. Et il y a les chapelles. Et à une époque, il y avait aussi les vêtements, les marqueurs de tribu. Bon, ça a un peu disparu. Mais... moi, j'ai toujours eu le parti pris de pas m'occuper de ça. Donc, on a fait des tas de chansons qui sont de la chanson française. On a fait même des trucs qu'on pourrait appeler ça de la variété. Et ça, vraiment, ça me gêne pas. Oui, je trouve que le mot pop, populaire, c'est pas méprisant, en fait. Il y a d'excellentes chansons pop qui ont du mal à glisser vers le répertoire entre guillemets rock classique, mais qui sont d'excellentes chansons qui ont été classifiées plutôt à tort qu'à raison comme étant de la variété. Mais Françoise Hardy, c'est excellent et personne ne peut dire le contraire. Et les textes sont formidables. Et il y a eu des tas de textes absolument formidables dans la chanson française. On évoquait avec Chris Manset, par exemple, qui est littéralement quelqu'un qui a fait de très belles chansons, mais qui évidemment n'a pas laissé la trace d'un rocker. Quoi, voilà. Mais c'est pas grave, en fait. On n'est pas tous obligés d'être des rockers aussi. Tout le monde n'est pas obligé d'être rockers. Ce serait désespérant, un monde où il y a... Ça serait absolument déjà, il y en a de moins en moins, et puis bon, c'est... mais ce serait désespérant, un monde... Enfin, je veux dire, c'est une culture, moi, je pense qu'il y a... qui a été hégémonique pendant 30 ans peut-être, oui. Culturellement. Je ne suis pas sûr qu'on y ait gagné beaucoup. Hein. Moi, je me prosterne pas au pied du rock. Je m'en fous. Enfin, y a des d'abord, moi, le rock que je préfère, c'est quand même celui des années 50 parce que j'y trouve une naïveté, une candeur que je ne trouve pas dans ce que... Donc ça, c'est mes goûts. Mais je me prosterne pas. Pour moi, le rock n'est pas une montagne. L'église absolue. C'est une musique comme une autre où il y a des trucs formidables et des trucs horribles. Oui. Donc voilà, je trouve que moi, on s'en fait une montagne aussi. Peut-être qu'on mieux sait. Enfin, voilà. En tout cas, c'était mon credo, moi. On va écouter à nouveau Mustang que va nous présenter Chris. Nous allons cette fois-ci écouter le morceau La Porte au Nez. Mais on me ferme la porte au nez. Je branche cette fille qui a un beau cul. Mais elle me ferme la porte au nez. Est-ce que j'inspire le dégoût? Est-ce que ma bite elle a un goût? On me ferme la porte au nez. Dans ma poche toujours un CD. Mais on me ferme la porte au nez. J'suis toujours prêt à me solder. Mais on me ferme la porte au nez. Et les majors et les indés, t'es trop varié, tout est trop spé. On me ferme la porte au nez. Oh, on me ferme. Maman, je fais pas de télé. Ne me demande plus, s'il te plaît. Je fais pas les festivals d'été. Je serai chez moi tout juin, juillet. J'aurai jamais mes annuités. Je travaille pour l'éternité. Je me ferme la porte au nez. Alors Clermont et Saint-Étienne, deux villes ouvrières, Jean, c'est pas toi que je l'apprends. La working class, ça aide pour écrire des chansons? Ah mais moi je fais pas partie de la working class. Non mais les villes working class. Ah oui, non mais j'en sers, alors pour des traditions de rock dans ce pays, oui ça a été le cas. Le Havre, Saint-Étienne, Clermont, c'est vrai que ça a été le cas. Mais enfin, moi je fais partie d'une génération où déjà les musiciens qui s'intéressaient au rock étaient plus issus. Nous, on était issus de la classe moyenne, plus ou moins petite, mais c'était moi, c'est mes grands-parents qui étaient de la classe ouvrière, mais pas mes parents qui étaient profs. En tout cas, la ville l'était, clairement. Oui, oui. Saint-Étienne. Bah, ça a sans doute joué. moi, je pense que c'est pas... plus facile de faire naître un groupe rock'n'roll dans ce type de ville. Oui et non. En fait, ce serait une belle histoire de le raconter comme ça, mais c'est aussi... On est arrivé à la fin des années 2000 dans des villes, d'anciennes villes ouvrières qui étaient déjà très structurées d'un point de vue culturel, et ce serait mentir de dire qu'on n'en a pas profité. Il y a toujours une salle qui s'appelle la coopérative de mai, qui nous a assez vite repérés, qui nous a aidé à trouver un label. Donc on n'était pas des industries plantes, comme on dit aujourd'hui, parce que on faisait des concerts dans les bars et qu'on produisait nos CD de démo, enfin on était autonome, mais on peut pas dire qu'on n'ait pas aussi profité d'un contexte qui ne ressemble pas du tout à ce qu'était le contexte des villes où il y a eu du rock dans les années 70-80. Enfin, c'était quand même déjà très différent en ce début de 21e siècle. Voilà, c'est pour ça que cette analyse, ce que tu viens de dire, est parfaitement intéressant, puisqu'il n'y a pas il n'y a pas du tout de parallèle entre le rock français des années 70, effectivement, avec Rouen, Le Havre, les Dogs, etc. Enfin, je suis fan des Dogs, et comme groupe français, mais justement comme groupe français qui ne chante pas en français et qui ont quand même un vrai public qui est sensiblement, qui a été fidélisé un peu comme le vôtre, j'imagine. Voilà, il y a des gens qui aiment Mustang, il y a des gens qui aiment les Dogs, mais qui étaient ancrés dans des villes comme Rouen et qui ont laissé une marque rock'n'roll sur ces villes, quoi. Oui, c'est sûr. Je pense que moi, je pense d'une certaine manière, on a bénéficié de notre statut de provinciaux. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui, parce que finalement, on a commencé à peu près en même temps que ce phénomène à Paris qui était tellement décrié des baby rockers. Donc, on était à peu près de la même génération. Et eux, moi, je me souviens, j'ai vu un concert des Nast à Clermont. C'était le boycott. Je voyais des mecs, des rockers un peu plus vieux de la ville, les tauliers du rock, qui étaient les bras croisés devant, du genre « qu'est-ce que c'est que ces petits machins ?» Et nous, on a eu la chance, venant de Clermont, de pas t'assimiler à ces groupes-là. De pas être assimilé à ça, alors qu'à certains égards, on avait beaucoup de différences avec ces groupes-là, mais on avait aussi quelques points communs. Vous savez, moi, je me méfie un peu des clichés, vous l'aurez peut-être compris, enfin, j'essaie de les éviter autant que possible, mais quels qu'ils soient, quoi. En tout cas, aujourd'hui, l'assimilation classe ouvrière et rock, elle n'a plus aucun sens. C'est très juste. C'est vrai que j'avais oublié cet épisode des années 2000, qui était l'épisode des baby rockers avec les baby Bruins, par exemple, qui était le porte-drapeau, où effectivement il y avait un véritable boycott et un massacre de par la presse. Il y avait une certaine presse qui la défendait, et puis de l'autre, je pense que la vérité est au milieu. Il y avait des groupes qui étaient pas si mal. Enfin, moi, j'y étais à ce concert des Nast, puisque je pense qu'on faisait la première partie. Oui, c'est ça. Où je passais des disques, je me souviens plus. En tout cas, c'était pas si mal. Après, oui, alors c'était des grands bourgeois. Bon, c'est pas les premiers grands bourgeois qu'il y a eu dans la musique. On est bien d'accord. L'origine sociale et la musique, c'est un sujet intéressant pour faire des chansons. Mais c'est pas une donnée. Pour moi, là où vous êtes né vous donne pas une valeur. C'est ce que vous faites après qui vous donne une valeur. Bon. Que vous soyez fils d'ouvrier ou fils de médecin. On va écouter un dernier titre, un peu pour faire plaisir à Jean qui nous a fait l'amitié de venir ce soir. On va écouter Body de lait. Ah bah très bien. Buffalo Bill. One day she decides she'd go for a ride with a pistol and a sword by her side. She rolled right up to my front door, knocked got so when she turned and walked away. All I could hear my baby say, voilà, l'émission tire à sa fin. Je précise qu'elle sera rediffusée demain à 14h. Et surtout, je précise que l'émission va se prolonger avec, comme il se doit, un concert de Jean Felsin aux Smoking Dogs. Donc, je rappelle la vieille maxime rock'n'roll. Si tu hésites à aller au concert, vas-y. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire, Jean ? Non, merci beaucoup de m'avoir invité. Hein. Presque au débeauté, je crois. C'est cool. Merci. Voilà. On t'a reçu avec grand plaisir. Merci. On va terminer l'émission avec un dernier titre de Mustang. Ce que j'ai construit peut finir en cendres. Je chie des mélodies s'il ne veut rien entendre. Tous ces mots écrits, je devrais les rendre. Dieu donne les grâces et Dieu les reprend, quoi que tu fasses au milieu du temps. Face à l'autel, incline-toi. Tu ferais mieux d'avoir très peur, crois-moi. Implore le ciel, la clémence du roi. Tu n'auras pas l'argent du beurre, crois-moi. Crois-tu, pauvre, tu ne tiens pas le pinceau. Il est le vent qui souffle le sang et les eaux. Crois-tu, écrire, ce n'est pas ton stylo. Suis la voix de celui qui marche sur l'eau. Ces sommets gravis dans le froid novembre valent pas un radis, il faut redescendre. Car au paradis, rien n'est à vendre. Tu veux une médaille, mais tu n'auras rien.